Yeah, ok. Contrôle d'identité, je suis né entre deux rimes, nourri au rap. Je suis recherché pour avoir braqué YouTube avec un track. Mes 5 progénitures sont réputées pour foutre le bordel sur les iPods et sur les scènes. Alors tu devines what's my name. Tous les jours, je passe un coup de vin à la rue. Je file des mots de tête, ma rime a de la fièvre. Alors je t'ai refilé un rhume. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'étais dans la brume. Tout ça depuis que je me suis mis à rouler mes textes et que je les fume. J'ai la sale réputation d'apprécier ce qu'il passe en radio. Un rap soi-disant léger comme un putain de repas bio. Biographie atypique, quand je kick, je suis à Rio, c'est le festival. Voilà pourquoi je grimpe si haut. J'avance au ralenti, tous mes amis me qualifient de tortue. Vu séquestrer tes écoutes, flow acéré pour la torture. J'ai affûté mes faces quand j'entends mon écriture. Coupable d'homicide envers mes auditeurs, car mes écritures. Dorénavant, tu sais qui on est. Tu nous as connus grâce au morceau à l'époque. 89 et 13 pour mon code. À ton page, je t'ai abonné. Tu connais tous nos blazes, on met le fire comme une étincelle au milieu d'une jambe à gaz. Dorénavant, tu sais qui on est. Tu nous as connus grâce au morceau à l'époque. 89 et 13 pour mon code. À ton page, je t'ai abonné. Tu connais tous nos blazes, on met le fire comme une étincelle au milieu d'une jambe à gaz. Je reconnais la technique, la rythmique de mes phases. Style éclectique, flow électrique, foudroyant dans mes phrases. Rap stratégique, allergique au texte, écrit à la crasse. Passe-moi un stylo pic et tu reconnaîtras mon plan. J'ai mal au crâne, tu aurais besoin de prendre un doliprane. Un briquet en guise de stylo pour mettre le feu, appelle-moi pyromane. Parfois je fais le sourd pour laisser ma tête au calme. Et mon public réclame du lourd, donc j'écris un kilogramme. T-R-A-C-K-E-L, Nino, t'as reconnu la signature de ceux qui commettent des crimes au mic. Des deux airs et les ans, ta concurrence affaiblit. Si t'es un poids lourd, sache qu'à cause de la jalousie, tu maigris. J'vise le sommet, mon art est un putain feignant qui sommeille ou qui se réveille au clair de lune, mais pas au lever du soleil. Depuis ma plume, c'est revêtu de sa tenue d'astronaute. Et tous mes sons feront le voyage jusqu'aux oreilles des internes. Dorénavant, tu sais qui on est. Tu nous as connus grâce au morceau à l'époque. 89 et 13 pour mon code. À ton page, je t'ai abonné. Tu connais tous nos blazes, on met le fire comme une étincelle au milieu d'une jambe à gaz. Dorénavant, tu sais qui on est. Tu nous as connus grâce au morceau à l'époque. 89 et 13 pour mon code. À ton page, je t'ai abonné. Tu connais tous nos blazes, on met le fire comme une étincelle au milieu d'une jambe à gaz. Comment tu t'appelles? El Nino, immatriculé 13. Accent provenant du sud afin d'ensoleiller mes 16. Et toi? C'est Kamikazoma et j'explose les réseaux sociaux avant de m'occuper des bacs. Donne-moi une semaine. On finira par blinder les salles, lâcher les lions dans l'arène. On leur fera bouffer le sable. Rime sale, on a la tête en l'air, tu nous connais. 25 mètres de longueur et le crime, on le commet dans le coma. Sont les gens à l'écoute de nos sons, kidnappés par le con. On est venu payer la rançon, médaillé par nos succès décimés, suivi par nos proches. Si la réussite n'est qu'un caillou, je en sans qu'il ricoche. Depuis des années, on veut donner du sens à nos textes pour désarmer. La politique anti-rap qui a pour but de nous amener au bord du gouffre, mais jusqu'au dernier souffle. On les amenait à les faire parler de nous, tu connais. Dorénavant, tu sais qui on est. Tu nous as connus grâce au morceau à l'époque. 89 et 13 pour mon code. À ton page, je t'ai abonné. Tu connais tous nos blazes, on met le fire comme une étincelle au milieu d'une jambe à gaz. Dorénavant, tu sais qui on est. Tu nous as connus grâce au morceau à l'époque. 89 et 13 pour mon code. À ton page, je t'ai abonné.